fidèle. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu qui je suis fidèle. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu qui je suis fidèle. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu qui je suis fidèle. Dieu présent ma solitude. Présent dans la multitude. Dieu présent ma solitude. Présent dans la multitude. Je vous adore, je vous vénère. Soulagez mes peines, mes torts. Je vous adore, je vous vénère. Soulagez mes peines, mes torts. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu à qui je suis fidèle. Dieu qui me la terre, le ciel. Oh. Dieu à qui je suis fidèle. Qui m'envahit de sa clémence. Qui me sauve de ma démence. Pardonnez ma négligence. Pardonnez mon ignorance. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu à qui je suis fidèle. Qui m'envahit de sa clémence. Qui me sauve de ma démence. Dieu qui je suis fidèle. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu qui je suis fidèle. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu qui je suis fidèle. Dieu qui me la terre, le ciel. Dieu qui je suis fidèle. Dieu des prophètes. Dieu de tous les êtres. Dieu des prophètes. Dieu de tous les êtres. Dieu des prophètes. Dieu de tous les êtres. Vers vous je reviens quand je m'égare du chemin. Vers vous je reviens quand je m'égare du chemin. Vers